On a eu des petits problèmes techniques, donc on vous présentera pas l'entrevue avec Caroline Truchon comme on le fait d'habitude, mais on va vous le présenter sous forme d'extrait sonore. Donc, on a parlé avec Caroline Truchon des championnats du monde de patinage de vitesse qu'il y a eu en fin de semaine à Montréal. Et dans un premier temps, je lui ai mentionné que j'étais un de ceux qui était très Thomas face à Charles Hamelin. Je me posais des questions, évidemment, si c'était une année de trop. Et là-dessus, Caroline Truchon a bien réagi et elle a mentionné que j'étais probablement pas le seul qui pensait que Charles Hamelin avait fait une année de trop. On va écouter là-dessus Caroline Truchon. Ouais, c'est ça. Vous seriez sûrement pas le seul à penser que Charles, c'est une année trop, qu'il était peut-être fini. Mais moi, j'avais pas vraiment de doute parce que, je veux dire, il était encore dans les tops au monde, dans les Coupes du Monde. Puis, tu sais, aux Jeux Olympiques, je veux dire, il était quand même dedans, là. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il a prouvé à tout le monde que il était pas fini. OK. Poser la question à Caroline si le fait que Samuel Girard a bien performé aux Jeux Olympiques, ça a pu fouetter Charles Hamelin et elle pense que peut-être que oui. Les coéquipiers, ils font bien sur la scène internationale aux Jeux Olympiques. Ça te motive, toi aussi, tu veux faire la même chose. Donc, c'est sûr que quand t'en as un qui performe bien, ben ça pousse toute l'équipe vers le haut. Donc, clairement, c'est sûr que ça le motive. Il faut dire que la compétition s'améliore, les pays s'améliorent au fil des ans, explique Caroline Truchon. Il y a 10 ans, il y a des pays qu'on voyait pas, la Hongrie, les Pays-Bas, on les voyait pas, on voyait juste Canada, États-Unis, Chine, Corée. Et maintenant, c'est pratiquement tous les pays là qui peuvent prétendre à, ben pas tous les pays, mais de plus en plus de pays, ça s'améliore. Puis c'est ce qui est le fun de voir que tout le monde pousse vers le haut, puis qu'il y a de plus en plus de bons patineurs. Caroline Truchon est revenue sur la performance un peu difficile de Kim Boutin de l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte-piste. Ben, je suis pas sûre qu'on pourrait dire que ça a été plus difficile parce que Kim a quand même fait 2 finales. Malheureusement, elle est tombée aux 500 parce que clairement, elle aurait pu aller chercher une médaille. On a Jamie McDonald qui était à ses premiers championnats du monde individuel, qui a fait la finale aux 500, qui a passé tout proche d'avoir une médaille, qui finit finalement 9e au cumulatif, ce qui est vraiment exceptionnel. Dans le cas de Marianne, elle a quand même fait un top 8 au 1000. Au 1500, ben là, on a vu qu'elle est tombée dans sa première course. Donc ça, c'était une petite malchance. Au 500, elle était aussi dans le top 8. Puis, fallait qu'elle la dépasse, la Chinoise, parce que sinon, elle n'allait pas en finale A. Donc, je veux dire, en général, ça a quand même pas si mal été. C'est sûr que rendu au 1000 mètres, peut-être que l'émotion a pris un peu le dessus. Puis, les filles avaient l'air vidées, rendues aux demi-finales du 1000, là, Kim puis Marianne. Puis, mais c'est sûr que ça a bien fini là avec la médaille de bronze au relais. Puis je pense que les filles étaient vraiment contentes. Et on a parlé en terminale de la performance de Samuel Girard en fin de semaine au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte-piste. Oui, mais il était quand même là. Je veux dire, il a quand même fait la finale au 1500. Il était dans les demi-finales aussi au 500, puis au 1000, si je me trompe pas. Mais c'est sûr que c'est quand même difficile d'être au top de ta forme aux Jeux Olympiques, puis au top de ta forme 3 semaines plus tard pour les championnats du monde. Donc, c'est pas surprenant. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse là sur les championnats du monde en fin de semaine, comme Arianna Fontana. Le Chinois qui a gagné le 500 au jeu, il était pas là non plus. Fait que c'est difficile de rester au top, top, top pendant un mois de temps, dans le fond, quasiment un mois et demi. Donc, c'est pas surprenant, mais je pense pas que Samuel ait une contre-performance et finit quand même 10e au monde, ce qui est quand même bien. Donc voilà, c'était l'entrevue que j'avais avec Caroline Truchon. Donc on a eu des petits points techniques, on ne peut pas vous la présenter comme normalement on l'a fait, mais c'était l'essentiel de ce qu'avait à dire l'ex-patineuse sur les championnats du monde de patinage de vitesse qui a eu lieu en fin de semaine à Montréal.